Et il se peut parfois que Allah Azzawajal attribue une mauvaise à un bon, comme ce fut le cas des femmes de Noé et de Lot. Et également une bonne à un mauvais, comme ce fut le cas de la femme de Pharaon. Et cela pour une sagesse voulue, quand même, et une chose amenant à un bien. Comme le prophète dans le sens où il dit que Allah donne un exemple pour ceux qui ont mécru. Après, cita les femmes de Lot et de Noé. Tahrim, verset 10. وَقَوْلِهِ تَعَلَى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا كَالَا donne cita un exemple pour ceux qui ont cru et cita justement la femme de Pharaon. Verset 11. وَمَعَ قَوْلِهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلِ لَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ dans le sens où il dit que ces exemples-là, nous les donnons pour les gens et seuls les doués d'intelligence les comprennent. Ou plutôt les savants les comprennent. L'Ankabout, l'araignée, verset 43. فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَ التَّقْيِيدَ الْخَبِيثَ لِلطَّيِّبِ أَوْ الطَّيِّبَ لِلْخَبِيثِ فِيهِ حِكْمَةٌ لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاء. Donc cela démontre que le fait d'attribuer une femme mauvaise à un homme bien ou une femme bien à un homme mauvais, cela contient une sagesse qui n'est comprise que par les ulama. وَيَا فِي التَّقْيِيدِ الْخَبِيثَ لِلطَّيِّبِ أَنْ يَتَبَيَّنْ لِلنَّاسِ أَنَ الْقَرَابَةِ من الصالحين لا تنفع الانسان وانما ينفع عمله. Et cela, c'est quoi parmi les sagesses qu'il y a, mathalan? C'est que justement la proximité qu'une personne pourrait avoir par rapport à une autre, par exemple qu'une personne mauvaise pourrait avoir avec une personne bonne, cela ne servira à rien du tout. La seule chose qui lui sera profitable, ce sont ses actes en réalité. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته وأكرم الخلق على الله رسله فدخول امرأة نوح ومرأة لوط النار كما قال تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بقرابة من الصالحين والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله. كما قال عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. Donc il dit, ne vois-tu pas justement que les personnes qui sont plus à même d'être défendues par la personne, ce sont sa femme. Voyez, la personne que tu seras plus à même de défendre sera ta femme ou alors la femme son mari. Et que les plus honorables créations dans la عز وجل sont ses messagers. Et malgré cela, la femme de Noé et la femme de Lot rentreront au feu. Dans le sens où il dit, et que c'est-à-dire que le fait que leurs maris soient des messagers, cela ne leur servira à rien auprès d'Allah Azzawajal. Et leur sera dit à toutes les deux, entrez au feu avec ceux qui y pénètrent. Tahrim, verset 10. Donc cela est la plus grande exhortation et la plus grande réprimande contre les fausses illusions que pourraient avoir des gens du fait qu'ils sont proches des salihin. Et de faire savoir que la personne, la seule chose qui lui sera utile, ce sont ses actes. Comme dans le sens où Allah est dit, ce n'est pas par vos prétentions, ni par celles des gens du livre, mais celui qui agit en mal, il en sera rétribué, en conséquence. Nisa, verset 123. Donc cela montre bien que ce n'est pas les tests qu'il y a, que l'on pourrait avoir, ou le fait d'être proche aujourd'hui, en cette époque, de certains savants, qui portent une protection pour la personne. Ça c'est une parenthèse, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يا فاطمة بنت محمد سليني ممالي ما شتي لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لدي أسفي فاطمة demande-moi ce que tu veux de mon argent, je ne pourrai rien faire pour toi يوم القيامة. C'est-à-dire si tu n'es pas sur la droiture ou quoi, en ce bas monde, cette dunya, tu auras de moi ce que tu veux يوم القيامة, je ne pourrai rien faire pour toi pour Allah عز وجل. Donc si le Nabi صلى الله عليه وسلم m'a dit cela, qu'en est-il d'une personne en ce bas monde, que des gens aujourd'hui font des actes et prétendent être, comme on dit, assermenté du fait qu'ils aient des tesquias de Rolama, du fait qu'ils sont des proches de un tel, du fait que son père c'est un tel, cela ne servira à rien, Yom Al-Qiyama. C'est à cela que l'auteur veut arriver. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله فصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. Également, il dit l'exemple de la femme de Pharaon qui entre au Jannah pour faire savoir que la personne, si jamais il y a une nécessité vitale, un besoin indispensable qui soit mélangé au kuffar, sans que cela l'ait fait de son propre gré, et qu'il ait des bonnes œuvres, cette personne ait des bonnes œuvres, et qu'il patiente sur cela de la meilleure des façons, qu'il rentrera au Jannah, et que le fait qu'il soit mélangé à ces gens-là ne lui aura en rien du tout. Et là aussi, c'est une parenthèse pour ceux messalins qui seraient dans des situations de contrainte, comme ceux qui ne peuvent pas faire la hijra, qui sont coincés en pays de kufr. Cela amène à quoi ? À ce qu'ils restent sur leur... sur le bien, qu'ils patientent, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent comme action pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal, et que le fait qu'ils soient là-bas ne leur nuira en rien, Inch'Allah Ta'ala, si leur niya est bonne, du fait qu'ils seront là-bas, malgré... qu'ils soient là-bas, mais qu'en réalité, ils ne veulent pas l'être. Donc tant qu'ils sont bloqués là-bas, qu'ils fassent du bien dans leurs actes autant qu'ils peuvent et que cela, Inch'Allah, ne leur nuira en rien car ils sont excusés du fait qu'ils sont bloqués là-bas involontairement. Donc qu'ils n'aient pas peur et qu'ils continuent justement à patienter et à faire du bien autant qu'ils peuvent. Et cela, la hikmah qu'ils pourraient avoir par rapport à ce verset, par rapport à la femme de Pharaon. Ou des gens qui seraient, par exemple, des gens soumis à l'islam, ou des convertis qui vivent chez des parents koufars, chez lesquels il y aurait un bon nombre de transgressions et qui n'ont pas le choix, ils sont obligés de rester chez leurs parents. Inch'Allah, que cela ne les inquiète pas, du fait que tant qu'eux se tiennent sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qu'ils patientent, qu'ils fassent dua, qu'Allah les soulage et les délivre, mais tant qu'ils sont coincés là-bas, malgré eux, et ce n'est pas de leur propre choix, alors Inch'Allah, ils sont excusés. Naam. Et ça, c'est une consolation pour les croyants. Quant à celui qui est laxiste, qui ne fait pas d'efforts, ça, c'est autre chose. ثم كمل بقوله فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كمرة نوح ولوط والطيب طيب وإن خالط الأشرار كمرة فرعون ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى. Et il dit que la chose, celui qui est mauvais, il reste mauvais même s'il se mélange aux gens de bien, comme ce fut le cas de la femme de Noé et la femme de l'autre. Et que le bon reste bon, même s'il se mélange aux gens de mal, comme la femme de Pharaon. Cependant, le fait de se mélanger aux gens de mal, cela n'est pas permis de le faire volontairement, comme l'éprouvent les autres versets. C'est-à-dire que cela est une chose qui t'arrive malgré toi. Tu ne le veux pas, cela t'arrive malgré toi, alors que si jamais cela t'arrive, reste sur le bien, reviens à Allah Azza wa Jal, et fais autant de bien que tu peux, et obéis-lui. Inch'Allah Ta'ala, cela ne te nuira pas.